Chapitre 9. Sur la bergère où il avait, pour toute couverture, un vieux tapis de table, Nicétas dormit peu. Et le matin, avant que la maison fût éveillée, il partit pour prendre à Palaiseau le premier train de Paris. Quand il s'était décidé à raconter son aventure, il avait cru que l'obscurité dans laquelle il se débattait allait se dissiper et que Soupère, avec son expérience de la vie, éclairerait son lendemain. Mais Soupère n'avait rien éclairé du tout, au contraire, et son lendemain était aussi plein d'indécision et d'incertitude que la veille. De cet entretien avec le vieux maestro, il n'avait tiré qu'un seul enseignement, c'est qu'il avait été plus que naïf d'obéir à Ghislaine quand elle lui avait demandé de partir, et cela il se l'était dit 20 fois dans le trajet de Chambray à Palaiseau, mais ses railleries pesaient d'un tout autre poids sur lui que tous les reproches qu'il avait pu s'adresser. Et quand il rapprochait ses railleries des confidences de Soupère sur son mariage indispensable, il s'exaspérait contre sa naïveté juvénile. Évidemment, la comparaison entre son procédé et celui de Soupère n'était pas à son avantage. Soupère s'était fait aimer par une fille qui était l'égale de Mademoiselle de Chambray, et il l'avait épousée. Lui s'était fait flanquer à la porte. Qu'il eût procédé comme Soupère, Ghislaine serait sa maîtresse, tandis que maintenant, il fallait bien reconnaître que les probabilités étaient pour que Lady Cappadoce écrivît la lettre annoncée par Soupère. Il l'attendit toute la journée, cette lettre, et à chaque instant, il rentra demander si l'on n'avait rien reçu pour lui. Le soir, elle n'était pas arrivée. Alors il se prit à espérer qu'elle ne viendrait pas, se disant que si Ghislaine avait été réellement blessée par son aveu, au point de ne pas vouloir se retrouver avec lui, son indignation n'attendrait pas. Fâchée, exaspérée, elle commencerait sa journée par lui faire signifier congé. Les prétextes ne lui manqueraient pas, si, comme il était probable, elle ne voulait pas confesser la vérité. Puisque cette signification n'avait pas encore eu lieu, il lui semblait qu'il pouvait prendre espoir, et les bonnes raisons s'enchaînaient dans son imagination enfiévrée. Pourquoi n'aurait-elle pas été touchée de sa soumission? Parce qu'elle avait repoussé un amant alors qu'il se présentait maladroitement et de façon à effrayer une plus délurée qu'elle, il n'en résultait pas nécessairement qu'elle refusait de se laisser aimer. Il pouvait lui déplaire d'accepter une liaison toute franche, mais il pouvait très bien lui plaire d'avoir un amoureux et de jouer au sentiment. Et pour lui, il était tout disposé à se contenter de ce rôle, au moins en attendant. Quand il la regarderait maintenant, il rencontrerait ses yeux au lieu de ne trouver que ses paupières baissées. Ils s'entendraient à demi-mot, d'un signe, d'un sourire. Sans rien demander, leurs mains iraient l'une au-devant de l'autre, leur silence même aurait une douceur et une ivresse. Il y aurait entre eux un secret et un mystère. Enfin, ce serait un amusement de tromper la vieille Anglaise qui, avec sa majesté héréditaire, ne verrait pas plus loin que le bout de son nez. Ce fut le rêve de sa nuit, tout plein de charme et de repos après les angoisses de la journée. Qu'elle acceptât cette situation, et sans fatuité on pouvait croire que plus tard, elle serait amenée fatalement à en accepter une autre, à lui de la préparer. Le lendemain, qui était un dimanche, il ne sortit point afin de pouvoir descendre d'heure en heure, voir si la lettre n'arrivait point, sa concierge n'étant point femme à monter ses 5 étages pour la lui remettre. Chaque fois, il eut la même réponse. Rien. À la dernière, sa concierge, qui voyait son trouble, crut à propos de lui adresser un mot d'encouragement. « Ce sera pour demain. » Décidément, il pouvait s'affermir dans son espérance. Ghislaine n'avait rien dit. Lady Cappadoce n'écrirait pas. Le lendemain, avant 8 heures, il montait la garde à la porte de la loge quand le facteur parut. Il entra avec lui. Il y avait un paquet d'une 20aine de lettres pour la maison. Dans son anxiété, il se pencha par-dessus l'épaule de la concierge qui, lentement, les lunettes sur le nez, faisait son tri. « Encore rien pour vous, monsieur Nicétas. Ce sera pour la seconde. » Il n'avait pas cela à craindre. Comme il devait partir à 1 heure pour Chambray, s'il n'avait pas de lettre, c'est que décidément Ghislaine acceptait la déclaration avec ses conséquences. Il pouvait donc respirer. Pas si juvénile, sa déclaration, que Soupère le disait. Pas si naïve, sa sortie. Décidément, il était vieux jeu, le maestro. Comme il montait l'escalier, triomphant, il entendit qu'on l'appelait. « Monsieur Nicétas, une dépêche !» Il fallut redescendre. Le doute était difficile. La dépêche sûrement venait de Chambray. Elle en venait, en effet, et elle était signée de Lady Cappadoce. « Empêchement à la leçon aujourd'hui. Préviendrai quand pourra être reprise. » Il remonta à sa chambre. Soupère avait eu raison. Les leçons étaient momentanément suspendues. Était-ce momentanément ? Après un moment d'accablement, il se retrouva. Jamais il ne pourrait attendre que Lady Cappadoce le prévînt. Il fallait savoir, et tout de suite, car malgré ce que cette dépêche, arrivant dans ces circonstances, avait de significatif, il ne voulait pas désespérer encore tout à fait. Il écrivit « J'ai l'honneur de présenter à Lady Cappadoce mon respectueux hommage, et de la prier de me faire savoir si les empêchements dont parle sa dépêche semblent probables pour vendredi. » Timide devant Ghislaine, seul dans sa chambre, il était résolu. Car c'était son amour qui faisait sa faiblesse, non son caractère, violent au contraire et emporté. La réponse de la gouvernante déciderait la question, et il voulait qu'elle le fût, incapable de rester dans le doute. Elle ne se fit pas attendre. Dès le lendemain, elle arriva. « Lady Cappadoce aura le plaisir de prévenir M. Nicétas à l'avance lorsque les leçons pourront être reprises, mais en ce moment il y a empêchement à fixer une date. » À ce court billet était joint un chèque pour le paiement du mois. Il n'y avait plus d'explication, plus ou moins plausible à échafauder, pour chercher un doute. C'était bien un congé, malgré la forme aimable dont Lady Cappadoce l'enveloppait sans rien confesser. Ghislaine avait trouvé un prétexte pour supprimer les leçons. Et avec sa naïveté ordinaire, la vieille Anglaise croyait à une simple suspension. Pour Ghislaine, tout était fini. Elle voulait ne le revoir jamais, et elle prenait ses précautions pour qu'il en fût ainsi. Pour lui, rien ne l'était, et il n'avait qu'à prendre les siennes pour la revoir le jour même. Quand, cédant à ses demandes, il avait consenti à partir, un marché était intervenu entre eux. Vous vous souviendrez, c'était une condition. Puisqu'elle ne l'observait pas, il allait reprendre l'entretien au point où il avait eu la naïveté de l'interrompre, et cette fois il irait jusqu'au bout. Elle ne voulait pas de l'amour respectueux dont il se serait contenté, à elle la responsabilité de ce qui arriverait. Ce jour-là, elle venait ordinairement à Paris pour travailler dans l'atelier de Casparis. Avant d'arrêter son plan, il voulut savoir si elle viendrait. Sans doute c'était une sorte de faiblesse, quelque chose comme une acceptation des empêchements mis en avant par Lady Cappadoce. Mais si, comme il en était sûr à l'avance, les empêchements n'existaient pas pour Casparis, il n'en serait que plus ferme dans sa résolution. À l'heure où il savait qu'elle devait arriver, il alla s'installer avenue de Villiers, et en se promenant à une petite distance de l'atelier du statuaire, il attendit. Bientôt il la vit descendre de voiture, accompagnée de Lady Cappadoce, et aussitôt il partit pour la gare de Sceaux. Pour l'exécution du plan qu'il avait combiné, il fallait en effet qu'il s'introduisît dans la chambre de Ghislaine, non après le dîner, mais pendant le dîner. Et pour cela, il avait besoin d'arriver de bonne heure à Chambray. Que Ghislaine fît laisser ses fenêtres ouvertes le soir, quand elle n'imaginait pas qu'on pourrait entrer chez elle, rien n'était plus naturel. Mais instruite par l'expérience, elle avait dû prendre des précautions pour empêcher une nouvelle surprise, et il y eut une naïveté à lui de procéder une seconde fois de la même façon que la première. Qu'il se présentât à la grille d'entrée, et le concierge ne le laisserait pas probablement passer. Qu'il essayât de pénétrer dans la chambre à la nuit tombante, et il trouverait les volets clos. Il devait donc manœuvrer autrement. C'était à 7 heures que Ghislaine dînait avec Lady Cappadoce, et c'était à la même heure que les jardiniers cessaient leur travail pour rentrer chez eux. Sa combinaison reposait sur cette concordance. À 7 heures, l'aile du château où se trouvait l'appartement de Ghislaine devait être abandonnée. À 7 heures, les jardins devaient être déserts. Enfin, à 7 heures, les maçons qui réparaient le mur du parc finissaient leur journée. Si le hasard le favorisait, il avait des chances pour arriver à cet appartement sans être rencontré et aperçu. S'il ne le favorisait point, il s'en tirerait comme il pourrait, ou il ne s'en tirerait pas. Sa vie eût-elle été en jeu, que dans l'état de surexcitation où il se trouvait, il n'aurait pas hésité. Au mur, la chance fut avec lui, et elle l'accompagna dans les jardins qui, comme il l'avait prévu, étaient déserts. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'était que les persiennes de l'appartement de Ghislaine fussent déjà fermées, et cependant, quand il arriva en vue du château, il vit qu'elles l'étaient. Il resta décontenancé, ne pensant même pas à se cacher. C'était l'anéantissement de son plan. Mais dans cette façade, un petit perron descendait au jardin. Si la porte n'était pas fermée, il pourrait entrer par là. Assurément, cette voie était plus périlleuse, mais il n'avait pas à choisir. Cela ou rien. Il monta le perron et mit la main sur le bouton de la porte qui s'ouvrit. N'allait-il pas rencontrer quelques domestiques? Le bruit de ses pas n'attirerait-il pas l'attention? Marchant sur la pointe des pieds dans le vestibule sonore, il ouvrit la première porte qu'il trouva et qui, d'après son estime, devait conduire dans l'appartement de Ghislaine. L'obscurité l'empêcha tout d'abord de se reconnaître, mais bientôt il vit que cette pièce meublée simplement devait être habitée par la femme de chambre qui couchait auprès de Mademoiselle de Chambray. Il continua d'avancer, et ouvrant une autre porte, il se trouva dans un vaste cabinet de toilette, celui de Ghislaine. Son intention n'était pas de se cacher comme la première fois, derrière un rideau, car les précautions prises indiquaient qu'il devait employer des moyens moins primitifs, et ce qu'il lui fallait c'était quelques coins sombres, ou mieux encore, une armoire. Dans la partie du château qu'il connaissait, elles étaient nombreuses, et il en avait vu d'immenses. N'était-il pas logique d'en supposer dans les pièces habitées par Ghislaine, comme dans les autres? Après un moment d'examen, il comprit qu'il n'avait que l'embarras du choix. Il en ouvrit une, puis une autre, puis une troisième, et se décida enfin pour un placard haut et profond qui servait à ranger les balais, les brosses, les plumeaux et tous les ustensiles de ménage. Là, il devait être en sûreté. Ce n'était pas l'heure de se servir de ces objets, et en ayant soin d'enlever la clé de la serrure, il ne courait pas risque d'être enfermé. Il y entra et tira la porte sur lui. Il n'avait plus qu'à attendre, et comme il était à son aise pour prendre les positions qu'il voulait, il pouvait rester là une partie de la nuit. Il y resta jusqu'à 9h30. À ce moment, il entendit qu'on entrait dans la chambre de Ghislaine. Il y avait deux personnes. « Fermez la porte à clé, » dit Ghislaine. « Oui, mademoiselle. » Il reconnut que cette voix était celle de Jeanne, une jeune femme de chambre attachée spécialement au service de Ghislaine. Il se fit un certain remue-ménage et un bruit d'allées et venues qui vint faiblement jusqu'à lui. « Est-ce que mademoiselle veut bien me permettre d'aller voir ma mère ce soir ?» demanda la femme de chambre. « Quand rentrerez-vous »« Je ne serai qu'une heure partie. Mon frère me ramènera. »« Allez, mais fermez la porte de votre chambre et emportez la clé. »« Oui, mademoiselle. » La femme de chambre traversa le cabinet de toilette et passa dans sa chambre dont elle ferma la porte donnant sur le vestibule. Ainsi, Ghislaine devait se croire en sûreté. Que faisait-elle? Il n'entendait aucun bruit qui le renseignât. Mais peu importait, car son dessein n'était pas d'aller dans la chambre. Il attendrait qu'elle vînt dans le cabinet de toilette. Au bout d'un quart d'heure à peu près, un filet de lumière annonça qu'elle arrivait, et des profondeurs sombres de sa cachette, il la vit poser sa bougie sur une console. Elle était à deux pas du placard, lui tournant le dos. Doucement, il sortit. Avant qu'elle pût pousser un cri, il la prit dans son bras et de l'autre main il lui ferma la bouche. « Ce soir, je ne partirai pas.